ça fait 20 minutes. Nous avons des problèmes dans les studios, non? Et qu'est-ce que ça? Sound System, fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique et de la rétro. Chaque samedi matin entre 8h et 10h, la face A de ton émission. Merci d'être calé également sur le live.galaxyfm.com. Welcome, bon réveil. On démarre cette première partie de l'émission pour nous emmener jusqu'au cap des 9h avec de la new beat, de la rétro du début des années 90 avec pêle-mêle dans le désordre, S-Express, Inner City, Hit House. Il y aura également Antico avec We Need Freedom. On démarre notre émission tout de suite avec Amnesia, Ibiza et tout à l'heure entre 9h et 10h, une spéciale rétro bourrin. Tu restes calé, Sound System. Galaxy. Sound of Seas. This is a sound of seas, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is a sound of seas. We'll be right back. seeds. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music. With Galaxy. With Galaxy. Music. Music. Music. Music remains on top. Happy days on Galaxy. Picture this, a recording studio somewhere far, far away. On the double. de système, la face A, le plein de rétro de ton samedi matin avec un instant Hit House, Jack Tulle, Sound of the Underground. On enchaîne tout de suite Inner City, Big Fun et juste après S-Express sur Galaxy. Galaxy. When dreams come true.

La face A pour le meilleur de la musique électronique et de la rétro chaque samedi matin entre 8h et 10h. Merci à toi si tu viens de te connecter sur le live.galaxyfm.com. On continue en musique en rétro. Tu viens d'écouter Antico, We Need Freedom, et on enchaîne sur cette deuxième demi-heure avec Cubic 22, Night in Motion. On terminera tout à l'heure avec U96, Das Boot. Tu restes calé Sound System et tu n'oublies pas, tout à l'heure à 9h, dans une demi-heure, on enchaînera avec une heure de techno rétro Burrinos pour les bois. Galaxy, save the rhythm. Save the rhythm. Galaxy. Galaxy. chop it up at the drop of a dime. Système, la face A depuis 8h, le coup de vieux du samedi matin avec pas mal de bons souvenirs du début des années 90. On vient de s'écouter T99, Anastasia, on enchaîne avec U96, Das Boot et Modular Expansion Cubes qui nous emmène jusqu'au Cap des 9h. Happy days on Galaxy. Techno. When dreams come true. Merci d'être arrivé scotché à gripper à ta radio qu'à les fréquences 95.30 ou sur le live.galaxyfm.com pour profiter de nos programmes sur internet, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. 9h, 10h comme prévu, 1h de techno bourrin. On continue et on enchaîne avec Aqua Contact, La Sirena, juste après Cherry Moon Tracks, l'Adverbi House. Tu enfiles tes baskets, ton t-shirt Banzai, tu écartes les meubles à la maison. C'est parti pour 1 heure de spécial Retro Jobs. We'll be right back. Galaxy. Save the rhythm. Save the rhythm. Sound system, sound system, sound system. System Galaxy, la face A, je t'avais prévenu, c'est de la rétro techno depuis 9h avec Aqua Contact, La Sirena. Il y avait également Cherry Moon Trax, Vainqueur Layotte, et on vient de s'écouter Precious X Project avec le titre Duka, direction la Belgique, le label Banzai avec Ace the Space, Nine is a Classic. Il y aura également tout à l'heure Robert Armani, John and Stephenson, c'est pas prêt de s'arrêter. Jérémy sur Galaxy. La face A, le coup de vieux du samedi matin. Tu viens d'écouter Dr Mott et le morceau d'Air Clang, d'Air Familieux. Et un petit clin d'œil à tous ceux qui profitent de nos programmes sur internet. www.soundsystem-mix.fr, c'est le portail web de l'émission. live.galaxyfm.com pour profiter de nos programmes sur le web et également sur Facebook. Vous êtes nombreux à réagir en direct pendant l'émission, notamment Charles Fortin, Moyen Bébé, Nocil, Kevin Ostrat, Frédéric Chico Rasson, Stéphane Guéry, Stéphane Decoq, La Dingue de Galaxy, Laurent Gaden, Frédéric Wolf. Il y a également connecté Nicolas Delfos, Jérôme Doré, Michael Boll. Et sur le portail web de l'émission, un petit clin d'œil à Kimbo, Jive, Rod241, Mylox, Tib, Ryan, Quick, Norgoroth et bien d'autres. N'hésitez pas à vous connecter, à profiter de nos programmes 24h sur 24 sur internet et à nous laisser plein de messages, notamment sur le forum de Galaxy, forum.galaxyfm.com. On continue en musique avec Cameo, Monet, reste calé, Sound System. House Music. Days on Galaxy. Thank you. FM Galaxy, tu écoutes Public Energy avec le titre Free or Free. Avenir, Robert Armani, le titre Hit Hard, suivi de John et Stephenson, First Rebirth. On terminera l'émission tout à l'heure avec Ultimate Seduction, le titre Walking in Nightmare. Encore un petit quart d'heure à passer ensemble, profites-en. Galaxy. When dreams come true. Music. Galaxy Weekend. Galaxy, la face A, on termine notre émission avec la Ultimate Seduction, le morceau Walking in Nightmare. On se donne rendez-vous dès demain matin, le dimanche entre 10h et midi, sans système, la face B, le concept 100% interactif. Tu m'as envoyé ton mix pendant la semaine, je l'ai écouté, ça m'a plu. C'est peut-être diffusé demain. 4 nouveaux mix, 4 nouveaux DJ rétro à découvrir dès demain matin à partir de 10h. D'ici là, tu profites du bon son mixé par Hubert entre 10h et midi. Et avant de se quitter, un petit répondeur juste pour vous dire que vous êtes complètement barjot au téléphone. Ciao, à demain. Attention bande de bourrins, maintenant ça va chier. Voici la séquence transcore. Oui, c'est samedi soir. On va jumper comme des fermiers. Ouais, j'ai perdu la compil de la Rocha, je suis un peu dégoûté quand même. Je joue depuis ce matin, je suis vachement fidèle. Alors soyez un peu plus sympa quand même. You've got the style. You've got the style on Galaxy. Galaxy, j'en ai envie. Et c'est vraiment chouette. Moi je m'appelle Sébastien, j'ai 13 ans, j'habite à Tourcoing. Je trouve ça vraiment dégueulasse ce qui est arrivé à ma grand-mère ce matin. Elle s'est encore fait attaquer dans la rue toute seule. Elle était toute seule. Alors pourquoi on peut faire dans la rue pour qu'on fasse attaquer? Pourquoi on n'est pas en sécurité? Allô, ici les 10 yeux gentlemen. Allô, ici les 10 yeux gentlemen. Allô, ici les 10 yeux gentlemen. Galaxy, c'est super. Sound system. Jérémy.